quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo Radio qui se déroulent en fin de semaine. Golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Michel, je reviens de vacances, donc tu comprendras que je suis un petit peu décroché. Puis tu m'apprenais que Pierre-Alexandre Bédard est actuellement en pleine compétition au championnat canadien qui se déroule, je pense, en Ontario cette année, je me m'abuse, hein? Exactement, ouais. En banlieue de Toronto. Ouais. Ça a débuté dimanche avec 36 trous dans la même journée. Aïe, ça, c'est du stock, c'est quoi? C'est 10 heures, ça, à peu près? C'est 10 heures de compétition, oui, à peu près. Coupé d'à peu près un repos de 2 heures. Il était 215 amateurs invités au championnat national amateur. Okay. Il en gardait 60, puis dans le fond, ils sont rendus à 70 après les deux premières rondes. Okay. Puis Pierre-Alexandre, effectivement, a fait la cote. Okay. A joué hier sa troisième ronde. Puis après trois rondes, il est égal en 40e position à plus 8. Le meneur, un gars de l'Ontario, est à moins 8. 40e, c'est-tu bon? Dans son cas, lui, est-ce qu'il visait mieux? Ben, moi, là, je pense que le qualificatif est pas assez fort. Ouais. C'est phénoménal. Écoute, là, au niveau du Québec, il était un 3 qui représentait le Québec. Il est deuxième des trois. Okay. Écoute, c'est des terrains là qui sont de calibre, là, comme on voit à la télévision, dans les compétitions professionnelles. Ouais. Là, de l'herbe longue, 5-6 pouces aussitôt que tu sors de l'allée, des verres à 10-11 de vitesse, très ondulé. C'est un parcours extrêmement difficile, donc une très, très solide performance. Encore par contre, je te dis... De Pierre-Alexandre. Ouais, par contre, je te dirais que c'est ça me fait l'avocat du diable, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Oui, mais le calibre est fort parce que, je vais te dire qu'il n'y a pas une des joueurs canadiens. Okay. Il y a beaucoup de joueurs américains, il y a beaucoup de joueurs européens, parce que le gagnant se mérite un droit d'accès à l'Omnium canadien, se mérite un droit d'accès au championnat amateur des États-Unis en 2016. Okay. Donc, c'est un championnat canadien amateur, mais de très haut niveau. Okay. Donc, c'est bravo pour Pierre-Alexandre Bédard. Donc, on va surveiller ça de près. Je vais y parler sur les médias sociaux. Évidemment, on se parle régulièrement, mais sur les médias sociaux, donc on va en savoir davantage. Je vais essayer de l'avoir demain matin pour mon bulletin de sport local. Parlons maintenant du Super Calcutta. Oui, dans le fond, c'est la grosse semaine d'activité. Ouais. Ça s'est terminé la semaine dernière, samedi le 8. On a eu 90 inscriptions. Donc, c'est très, très, très bon. Ça s'est déroulé dans des conditions difficiles. Ouais. Mais le samedi, c'est terminé par une belle journée. Et c'est l'équipe de Frédéric Perron, avec moins 25, qui l'a emporté par un coup sur l'équipe de Stéphanie Desjardins. OK. Donc, encore une fois, c'était une belle succès. C'est un beau tournoi, qu'on peut dire, Michel. Hein? Ah oui, c'est le plus beau tournoi de la saison. Mm. C'est très couru au niveau de nos membres. Et c'est le clou de la saison, c'est okay. Sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent en fin de semaine? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fin de semaine, ouais. Samedi et dimanche, on a le championnat du club. 36 trous individuels par classe. Okay. On attend une cinquantaine de joueurs et joueuses et les conditions météo devraient être. Ben oui, on annonce du 27-28 degrés à partir de quoi? À partir de demain. Donc c'est une bonne chance. Heureusement, parce que je te dis que Les gens, le moral, là, commence à être pas mal magané, parce que je vais dire, je faisais hier la chronique du club de golf de Saint-Prime, ça doit être la même affaire à Chibougamau. Rémi Curtis me disait, regarde, on a un paquet de réservations, arrive le matin, puis il y a plein de cancellations. Ça doit être la même affaire. Chez nous, c'est exactement la même chose, puis c'est plus froid toujours un peu. Pour te donner une idée, là, ça fait 2 jours, hier et avant-hier, qu'on a été complètement fermé du matin jusqu'au soir. Ça, c'est des pertes, ça, là. Beaucoup trop d'eau, le parcours de trempé, puis des conditions affreuses pour le golf. Puis c'était le même tout l'été. C'est possiblement la pire été niveau météo depuis les 20 ans qu'on est ici, au centre-ville de Chibougamau. Michel, une perte comme une journée que vous êtes fermé comme hier, là, puis complètement fermé. Là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de match qui se joue, mais il n'y a pas de bière qui se vend. Il n'y a pas le niveau restauration ne marche pas, ce qu'on appelle évidemment le restaurant. Est-ce que ça équivaut à quoi, ces pertes-là? Ah, écoute, c'est facilement là, 1 000$ par jour. Ouf! 1 000$ par jour. À peu près, écoute, 35$ du permis journalier. Okay. Les locations des voitures, la boutique, le restaurant, les bars. Ouais. Tu sais, ça va vite, non, là. Ouais. Ça prend qu'une quarantaine de personnes, puis t'as sauté 1 000$. Ouais, effectivement. Fait que dans les gros clubs, là, les clubs comme Saint-Prime ou Dolbeau, qui ont le calendrier régional, ben, tu peux multiplier, là, par beaucoup, okay. là. Parce que nous autres, quarantaine de golfeurs, là, c'est une grosse journée, là. OK. Hey, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est le pain puis le beurre. Effectivement. Puis c'est pas juste ça non plus. C'est les entreprises touristiques, c'est même les commerces au niveau économique également. Tu sais, les gens sont moins de bonne humeur, donc dépensent moins. C'est tout un échange qui se traîne. Ben Michel, on va se reparler jeudi prochain dans le cadre de la chronique. On va revenir évidemment sur la performance de Pierre-Alexandre. Puis on va essayer d'y parler d'ici la fin de la journée pour l'avoir dans notre bulletin de sport local demain. Michel Lallemand, le directeur général du club de golf de Saint-Prime.